Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une Sophie Marceau pétillante. LOL, ça veut dire « mort de rire » en langage MSN. C'est aussi comme ça que les amis de Lola, 15 ans, l'appellent. Pourtant, le jour de sa rentrée en seconde, Lola n'a pas le cœur à rire. Arthur, son copain, la provoque en lui disant qu'il l'a trompée pendant l'été. Et sa bande de potes a le don de tout compliquer. Tout comme sa mère d'ailleurs, Anne, avec qui le dialogue devient de plus en plus difficile, et pas seulement parce qu'elle ignore ce que LOL signifie. Moi, c'est Lola, mais tout le monde m'appelle LOL. Et bah franchement, ma vie, c'est pas une partie de rigolade. D'abord, il y a le lycée. Je suppose que vous avez une bonne raison d'être en retard. Vous allez rire. Que vous me voyez là, je suis au maximum. Ensuite, il y a les mecs. Elle m'énerve. T'inquiète pas, c'est pas le style de mère. Et pour finir, il y a ma mère. Mais Lola, comment tu t'es épilée là? Maman! Bah quoi, maman? C'est juste que j'aime pas les poils, c'est tout. Mais cela, personne les a vus, hein. Elle fume, Lola? Ça va pas, non. Papa se retape maman? C'est pas vrai. Ah, tu sais, moi, ça fait longtemps que je crois plus du tout à leur histoire. Tu vois pas d'autres femmes à part moi? Je vais te demander un service. Mmh. Je veux pas qu'on fasse l'amour. Lola! Alors, on commence par quoi? Les pétards ou les capotes? C'est pas moi, hein. Oh, maman, ça va, hein, c'est pas drôle. Mais même t'as pas une crise pour quelques malheureux pétards, alors toi, t'en fumes tous les soirs dans ta chambre, quand même. Si je te chope encore une fois avec ça à la maison, tu sais quoi? Tu vires! Tu vas vivre chez ton père, ok? Je te rappelle que t'es son modèle sur Terre. Si elle commence à te suivre sur la route du cul... LOL, une comédie de Lisa Azuelos avec Sophie Marceau, un DVD Fox Pathé Europe 1.